Je vous remercie de m'avoir indiqué cette bonne action à faire, dit Adeline, mais il faut agir avec prudence. Quel est ce vieillard ? Oh, madame, c'est un brave homme. Il rend la petite heureuse, et il ne manque pas de bon sens. Car, voyez-vous, il a quitté le quartier des Judicies, je crois, pour sauver cet enfant des griffes de sa mère. La mère était jalouse de sa fille, et peut-être rêvait-elle de tirer parti de cette beauté, de faire de cet enfant une demoiselle. Atala s'est souvenue de nous, elle a conseillé à son monsieur de s'établir auprès de notre maison. Et comme le bonhomme a vu qui nous étions, il la laisse venir ici. Mais mariez-le, madame, et vous feriez une action bien digne de vous. Une fois mariée, la petite sera libre, elle échappera par ce moyen à sa mère, qui la guette, et qui voudrait, pour tirer parti d'elle, la voir au théâtre, ou réussir dans l'affreuse carrière où elle l'a lancée. Pourquoi ce vieillard ne l'a-t-il pas épousée ? Ce n'était pas nécessaire, dit l'Italienne. Et quoique le bonhomme Vider ne soit pas un homme absolument méchant, je crois qu'il est assez rusé pour vouloir être maître de la petite. Tandis que marié, dame, il craint ce pauvre vieux, ce qui pend au nez de tous les vieux. Pouvez-vous envoyer chercher la jeune fille ? Dit la baronne. Je la verrai ici, et je saurai s'il y a de la ressource.